Exercice 11, page 61. A. Sucre, mûre, bûche, tourte, prune, jus. B. Coucou, chouchou, joujou, toutou, nunuche, doudou. C. Tu joues, tu loues, tu fumes, tu boudes, tu cours. D. Nous écoutons, nous conjuguons, nous débutons, nous discutons, nous refusons, nous résumons.